étoiles dans l'air du ciel. Les oiseaux qui chantaient, se douchant de veille. Je me devais à toi, jamais. Jamais, non jamais, je n'oublierai cette lumière. De son être, provoquer en moi un monde imaginaire, sexuel peut-être mais virtuel, façon irréelle. Jamais, non jamais, je n'oublierai cette lumière. Just something.